différent, tu te feras cracher dessus. Reste dans le moule cordialement, tu te feras marcher dessus. C'est ce monde, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Les politiques nous la mettent, même en période de guerre. Tout va bien dans une balle, c'est son 49-3. Citoyen méprisé, dictature enfin je crois. C'est la fin, je le sens bien, on va droit dans le mur. Les fins de mois dans le dur, ça les inquiète, penses-tu? Va bosser, crève la dalle, t'es bon qu'à payer. Dégoûté de l'humanité, c'est mon cas. Prévois rien, demain c'est loin, je voudrais pas te faire peur. Un mec peut péter les plombs tous les trois quarts d'heure. L'apocalypse c'est maintenant, matons la vie en direct. Souffle un peu, ferme les yeux pendant ta pause cigarette. Retourne-y, ton boss t'attend, tu crains d'être viré. Touche ton smic, rentre chez toi, regarde ce que tu peux en tirer. T'es de paradis mais Dieu t'a pas dit de faire. Autant de conneries, j'ai pas vraiment qui tu crois satisfaire. Putain d'hypocrite, surtout quand ils se disent frère. On t'avoue, vous êtes les mêmes dans les deux hémisphères. Et merde, évolution gâchée après tout ce temps à chercher l'équilibre et trouver que le mal est constant. La violence est un refuge dont les idiots se contentent. Y'a une autre planète sans tout ça, je crois, mais trop distante. Regarde les infos et on attend que la Terre explose. J'ai la télécommande et je rêve qu'en vrai je puisse mettre pause. Le bien est délivré à trop petite dose. La fin du monde, c'est ce que la bêtise humaine cause. Tout le monde s'en bat les couilles mais tous ont peur. Allez tous brûler en enfer, hurler tous en cœur. Peut-être je suis sans pitié, peut-être je suis devenu sans cœur. Si je vis l'apocalypse avec joie et sans pleurs. Monde apocalyptique comme on s'y sent bien. Et si ça tourne pas rond, un point prochain messie sans lien. Avec le genre humain, admissible aux cieux sans rien. Avoir fait de bien sur cette planète aussi, j'en viens à apprécier le mal avec quelques grammes dans le sang. J'admets au pouvoir des têtes soi-disant bien pensantes. Nique les autres, si ça saigne, moi j'ai aucun pansement. Je pense à reprendre ma vie depuis le commencement. Divisé pour mieux régner, ça c'est la règle d'or. À base de somnifères, ferme ta gueule, crève ou dors. Insomniaque, pourtant je rêve de pouvoir aller dehors. Le temps joue contre nous et fragilise nos corps. Alors j'ai comme tout le monde envie de faire un millier de choses. Plus la patience de voir pousser un millier de roses. L'apocalypse est prévu, fin du siècle en cause. Plus la place pour vos crises, le temps d'une courte pause.